Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Pénaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbéchour, Virginie Mourté. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Nuit spéciale, la France mystérieuse. Mystérieuse, la France, et comment ? Mystérieuse et merveilleuse, si l'on en croit le titre du prochain volume que les éditions Omnibus publieront dans quelques semaines, Dictionnaire de la France merveilleuse, signé Marie-Charlotte Delmas. Mais avant d'être merveilleuse, la France est donc mystérieuse. On ne s'en doute pas ? Si, on s'en doute. Et Marie-Charlotte Delmas est dans ce studio pour nous le confirmer. Bonsoir Marie-Charlotte Delmas. Bonsoir Philippe Garbi. Alors, ce dictionnaire de la France mystérieuse, donc qui est déjà paru, lui, sous-titré « Superstition, croyances populaires, sorcellerie, rites magiques », est la somme de travaux d'une bonne vingtaine d'années, j'imagine. Vous êtes sémiologue, titulaire d'un doctorat en sciences du langage, dirigé par Gérard Genette, à l'école des hautes études en sciences sociales. Alors, ce sont les croyances populaires françaises, rurales principalement, et le monde magique du quotidien qui ont donc nourri vos recherches. Alors, sémiologie, langage, Marie-Charlotte Delmas. La sémiologie, c'est donc l'étude des signes. Le langage, c'est la parole. Je suis très bref. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune source écrite ou s'il y en a, comment les croire finalement ? Comment être certain que la vie du peuple français était rythmée à ce point par les rites et les pratiques magiques ? Alors, il y a évidemment beaucoup de sources écrites, mais des sources écrites au XIXe siècle. Il se trouve que à cette époque, à l'image d'ailleurs des frères Grimm en Allemagne, il y a des personnes dont on pourrait dire que c'était des gens un peu lettrés, ou beaucoup lettrés, de bonne volonté, des avocats, des médecins, des instituteurs, qui ont compris que les croyances, les rites, les superstitions collectives ou individuelles étaient en train de disparaître et qui donc se sont mis à les collecter. Alors, ils n'ont des fois pas collecté très loin, ils ont collecté dans leur village, dans leur canton, parfois même dans leur département. C'est un travail de terrain, de toute manière. C'est un travail de terrain, et ils ont, le plus fidèlement possible, recopié tout ce qu'ils entendaient, tous ces rites, certains d'ailleurs qu'ils partageaient, puisque les grandes fêtes existaient toujours, les rites autour des grands événements que sont la naissance, le mariage, la mort, existaient toujours. Et donc, ils ont mis tout ça sur papier. Ils ne sont pas contentés de faire avec ça des journaux intimes. Ils ont publié, des associations se sont montées, des journaux se sont montés, les plus connus étant la Revue des Traditions Populaires. De Paul Sébillot. De Paul Sébillot, la Revue Mélusine. Et donc, voilà, ils ont publié dans des revues et ensuite ils ont publié dans des monographies. Moi, mon travail, qui là a plus été un travail d'historienne, a consisté à rassembler et à organiser, à classer toutes ces rites, toutes ces superstitions en dépouillant quasiment la totalité de ces revues sur une cinquantaine d'années, de ces livres aussi, et d'essayer d'aller à la source et d'essayer de voir s'il y avait des constantes qu'on pouvait retrouver dans les différents départements, ou au contraire s'il y avait des variables qui étaient signifiantes ou pas. Je suis restée sur la France parce que c'est déjà très important et que le comparatisme est toujours dangereux dans la mesure où les peuples n'ont pas la même histoire, le même contexte socio-historique. Et donc voilà, il faut... Il faut avoir un objet d'étude défini. Voilà, et puis après que d'autres se servent de ce travail pour aller plus loin, et éventuellement des chercheurs étrangers pour faire des comparaisons avec leur propre mythologie populaire. Mais c'est bien grâce à vous, de toute manière, que les Nuits de France Culture ont choisi de faire une nuit spéciale sur la France mystérieuse, Marie-Charlotte Delmas. Alors, vous dites que finalement c'est le 19e siècle qui n'ont pas inventé tout cela, au contraire, à collecter. Mais finalement, il y avait quand même des textes... je sais pas, l'abbé Thiers, par exemple, c'est une autre époque. Et puis, on peut remonter dans l'Antiquité. Il y a quand même des Pline, par exemple, il s'intéresse pas à la... C'est pas la France. Mais c'est quand même aussi déjà un territoire qu'il peut connaître ou dont il peut parler, en tout cas. Bien sûr. Bien sûr. Donc, je ne me suis pas contentée du 19e. Je suis partie du 19e pour faire l'inventaire. Ensuite, j'ai essayé de remonter le plus loin possible. Donc, effectivement, au 19e siècle, d'ailleurs, il n'y a pas que ces titres-là. Hein. Il y en a d'autres. Il y a des dictionnaires, comme le dictionnaire infernal de Colin de Plancy au début du 19e siècle. Mais tous ces livres-là ne sont pas très sérieux. L'avantage des collecteurs, c'est qu'effectivement, les superstitions sont localisées très précisément dans le village. Des fois, on dit quelle est la personne qui a donné le témoignage, quel est son âge, etc. Ce sont souvent des vieilles personnes qui sont nées au XVIIIe siècle. Et donc, il y a effectivement ces livres-là. Et puis, il y a au XVIIIe siècle... au XVIIe siècle, effectivement, des livres importants. Alors, le livre de la Bêtière, effectivement, c'est une la mine. Bible. C'est une Bible, parce que, alors, une Bible assez indigeste, hein, si tant est que l'autre le soit indigeste. Mais c'est une Bible assez indigeste parce que... Le traité des superstitions. Alors, c'est d'abord en plusieurs volumes, et puis c'est un traité des superstitions selon les sacrements. Donc le baptême, le machin, etc. Mais il y a un certain nombre d'avantages, c'est que il consacre une grande partie de son premier volume à tous les conciles, et donc il nous donne des informations sur des canons de conciles ou de synodes qui vont proscrire telle ou telle superstition. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis ensuite, il nous donne, alors sans les localiser, sans les dater non plus, et il y en a un certain nombre qu'il prend dans les siècles précédents, il nous donne comme ça tout un lot de superstitions. Donc on peut déjà voir qu'au XVIIe siècle, voire des fois au XVIe, ces superstitions existent. Au Moyen-Âge, c'est plus compliqué parce que nous sommes très pauvres. Alors, il y a quelques livres, en particulier le fameux livre des Quenouilles. Je dis le fameux parce que ou pour évangile. Moi, il reste fameux. Oui. Le livre des Quenouilles, qu'on appelle aussi l'évangile des Quenouilles, ce sont des femmes qui se retrouvent pendant une semaine, qui vont filer ensemble, et chaque jour, l'une de ces femmes va raconter ses évangiles sous forme de tout petits textes, dans lesquels, voilà, on raconte de la vie, du quotidien, des choses des fois un petit peu grivoises, et puis on parle aussi de certaines superstitions. Donc, des superstitions qui sont déjà au 19e, qu'on va retrouver au Moyen-Âge, peut-on aller plus loin? Donc, j'ai essayé, effectivement, d'aller plus loin. Pour ne pas me noyer dans le passé, j'ai choisi de prendre les 37 volumes de l'histoire naturelle de Pline au 1er siècle. Que vous avez lu intégralement? Intégralement, parce que l'avantage de Pline, c'est qu'il recense toutes les croyances, enfin pas que les croyances d'ailleurs, hein, c'est médical, hein, il y a toutes les recettes de sur toutes les plantes, les animaux, etc. Mais il recense aussi tout ce qui a été écrit avant lui par les médecins grecs, romains, etc. Donc c'est vraiment intéressant et c'est vrai qu'on retrouve un certain nombre de recettes semblables, mais, car il y a un mais sans pouvoir affirmer aucunement qu'il y a un lien de continuité. Il est fort possible que les savants de la Renaissance qui se sont inspirés, et très largement inspirés, dans un de ses livres, le second livre des animaux, Ambroise Paré écrit un article sur les dragons, c'est pratiquement du copier-coller de Pline. Donc, c'était vraiment une référence pour cette première médecine frémissante. Et donc, on ne peut pas assurer que ces recettes émanent de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, etc. Bon, c'est probablement pas en plus. Voilà. Enfin, il y a peut-être des variations, certainement, Marie-Charlotte Delmas. Mais en tout cas, l'idée de base, et ça vous l'écrivez dans votre préface, c'est que les hommes confient l'univers et ses rouages à des puissances supérieures qui sont censées les protéger, à les aider à affronter les mille et un périls de leur existence. Donc, de toute manière, quand on reprend le sous-titre de ce dictionnaire, croyances populaires, superstitions, sorcellerie, rites magiques, tout ça peut se résumer à cette idée, comment lutter contre la peur, l'effroi, l'épouvante qu'est l'univers. Et c'est aujourd'hui encore, bien entendu, mais c'était sans doute pire à une époque. J'imagine, oui, que ça devait être excessivement difficile. Rien ne s'expliquait. Rien ne s'expliquait. Aujourd'hui encore, on s'interroge sur notre présence sur cette petite terre, sur ce petit chemin qui nous conduit de la naissance à la mort. On s'interroge sur une hypothétique vie après la mort, et puis sur le sens de tout ça. On a besoin de donner du sens aux choses. Et du coup, tous ces rites magiques, qui étaient aussi des rites de cohésion, des communautés villageoises, tous ces rites, alors effectivement, depuis la nuit des temps, tous ces rites sont des rites, qu'ils soient guérisseurs, protecteurs, quelle que soit la magie qui les fonde, sont des rites qui encadrent et qui rassurent. Voilà, terriblement. On se rassure. Encore aujourd'hui, il y a dans les superstitions individuelles, on le voit pour les artistes ou pour les sportifs, quand il y a un enjeu difficile, ils ont, et je lasse mon tennis gauche avant le droit, et j'ai dans ma poche tel objet dont je ne me sépare pas, ou dans ma loge tel objet, parce qu'on a besoin d'avoir des choses pour se rassurer. Alors, ça paraît comme ça un petit peu curieux, parce que c'est pas explicable, mais justement, c'est parce que ce n'est pas explicable que ça fonctionne. Parce que le propre de la superstition, c'est justement de rester mystérieuse. C'est ça qui crée toute sa magie. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'ai été élevée jusqu'à assez tardivement dans des écoles religieuses. Et quand on posait une question pour savoir ce que ça voulait dire, il y avait des textes incompréhensibles, y compris des agissements du Christ dans le Nouveau Testament, on pigeait pas. Et donc, on posait la question et on nous répondait: ce sont les mystères de la foi. Voilà. Et donc, les mystères de la foi, les mystères de la magie sont les mêmes, se confondent d'ailleurs beaucoup. Et pour le coup, voilà, on n'a pas besoin d'expliquer, mais on a besoin de se rassurer. On est humain. L'homme est un animal superstitieux, et ce qui rassemble tous les hommes de cette planète, depuis l'aube des temps et sur tous les continents, c'est justement cet accès à ces rites magiques, à cette superstition, c'est-à-dire cet au-dessus de quelque chose, ce besoin d'être rassuré et puis d'avoir au-dessus de nous des êtres qui nous protègent, de disposer de mythes et de disposer de rites. Alors, les mythes, les rites, et puis vous l'avez dit, en fait, c'est aussi une façon d'être dans le groupe, et on a tout intérêt à montrer que l'on croit, comme les autres, à la dangerosité de tel animal qui vient de passer, de telle herbe qui a poussé là alors qu'on est un vendredi et qu'elle n'aurait peut-être pas dû le faire, etc. Parce que si on commence par nier, enfin par penser que finalement ça n'existe peut-être pas, on est repéré comme celui qui peut non pas vouloir le bien, mais vouloir le mal. Donc, être un sorcier, un magicien... Oui, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que on peut ne pas suivre un rite, hein, par exemple. On peut se dire, non, moi, je ne vais pas à la fontaine Saint-Cloud guérir mes furoncles. On devait être repéré quand même. Quand tout le monde a peur dans un village, on est. Mais quand on croit. Après, la sorcellerie, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, les sorciers sont nombreux. Du moins, on pense qu'ils sont nombreux. Ce sont des paysans ordinaires. Tout un chacun peut se faire sorcier. Ce sont les curés, souvent, dont on pense parce qu'ils ont des livres, etc. Puis justement, qu'ils ont les mystères de la messe, qu'ils sont sorciers. Ceux-là, on les craint. Ils ont des pratiques un petit peu différentes, particulières. Mais je ne pense pas que le fait de ne pas suivre, de s'écarter de certaines superstitions, de certains rites, on va dire. Ça ne vous désignait pas comme l'ennemi ou comme le danger? Non, parce que je suis pas sûre. Alors, il faut quand même mettre les choses à plat et dire que lorsque les collecteurs donnent un rite, il est impossible d'assurer que la totalité de la communauté, évidemment, adhérait à ce rite. C'est clair, on ne peut absolument pas savoir. En revanche, quand on le trouve un peu partout, on se dit qu'il a du corps, ce rite. Voilà. À aucun moment... il est dit que si telle personne ne suit pas le rite... elle sera mal vue. Voilà. Mais par contre, il y a tout un tas de superstitions où on dit que si on ne fait pas telle chose, on va avoir du mal. Ou si on fait telle chose, c'est par exemple dans le cadre des fêtes. Hein, nous serons bientôt à Pâques, nous y viendrons. Mais dans le cadre des fêtes, il y a des interdits. Ces interdits sont des interdits chrétiens. Évidemment pour moi, dit-elle, mais par exemple, on ne travaille pas pendant les fêtes comme on ne travaille pas le dimanche. Hein, on ne laboure pas parce que voilà, si on laboure la terre, de toute façon... Donc on est repéré si on travaille un dimanche de Pâques. On va avoir du malheur, si on le fait à la Toussaint, on va tomber sur les ossements des ancêtres, etc. Donc si on ne respecte pas ces interdits, on a un certain nombre de désagréments qui vont nous arriver. Donc là, oui, mais ce sont des désagréments individuels. Ce sont jamais des désagréments collectifs. Bah, bien sûr. C'est-à-dire, c'est pas la communauté. Il vaut mieux jeter le sort sur une personne que sur... C'est pas la communauté qui vous tombe dessus, quoi. C'est, ça va. Mais là, on est vraiment dans des superstitions qui sont très christianisées. Alors, puisqu'on parle de France mystérieuse, il faut qu'on parle de toutes les régions. Par exemple, alors, en donnant des noms qui ne datent pas de l'époque, qui concerne ces superstitions, ou la naissance de ces superstitions, bien entendu. Maine-et-Loire, Côte d'Or, Ille-et-Vilaine, Côte d'Armor, ça, c'est récent. Mais par exemple, le Vendredi Saint, puisqu'on parle de Pâques, le Vendredi Saint, ceux qui ne jeûnent pas ne trouveront pas de nid. Alors ça, c'est dans les Côtes d'Armor, Maine-et-Loire, Côte d'Or, Ille-et-Vilaine. S'ils sont dans le Bordelais ou en Provence, c'est pas un problème, peut-être. Les jours de jeûne sont variables, le jeudi et le vendredi dans le Poitou, ou seulement le vendredi, Mauges. À noter qu'on fait aussi jeûner le bétail pour qu'il soit en bonne santé. Parce que voilà, nous y arrivons, c'est que les dieux sont lointains, quand même, hein, le dieu ou les dieux sont lointains, invisibles, tandis que la nature, elle est toute proche. C'est une France rurale, et puis les arbres sont là, les fleurs sont là, les animaux sont là, bien entendu. Et puis les animaux, c'est pas simplement un lapin qui se promène dans la garrigue ou ailleurs, c'est aussi le bétail, et ça c'est important, parce que c'est une question de vie ou de mort, de survie. Donc, dans ces animaux-là, dans ces sources, dans ces fontaines, tout ce qui fait la nature, qui nourrit et en même temps qui peut affamer, que faire de cette nature? Il faut lui réserver un accueil chaleureux, il faut la séduire. Cette nature, elle est effectivement indispensable à la survie de l'homme, mais il n'en est ni le maître, ni l'esclave. Il interagit, la nature interagit avec l'homme, et l'homme, voilà. Et donc, c'est comme si tous les éléments de la nature étaient dotés d'une âme, et je mets plein de guillemets autour de cette notion d'âme, comme si tout était animé. Alors, on peut penser qu'il s'agit là d'un reste de culte ancien, culte des arbres, culte des pierres, culte des sources. Il faut savoir, et là je fais une parenthèse sur ces trois culte, toujours avec des guillemets, parce que ce sont des rites qui s'y pratiquent, on ne sait pas si réellement il y a eu un culte avec des officiants, etc. Voilà, la notion de culte est plus précise que ça. Mais le processus de christianisation a été excessivement long chez les paysans. Paysans, païens, ça vient de paysans. Donc, paysans, ça vient de païens plutôt. Donc, le processus a été excessivement long. Et on voit dans les canons de concile, encore aux alentours du 10e, 11e siècle, des textes qui disent aux évêques, faites attention, veillez à ce que les gens de vos paroisses ou de votre évêché n'aillent pas allumer des lumières vers les pierres levées, vers les sources, vers les arbres sacrés. Déracinez les arbres, faites tomber les pierres ou mettez des croix dessus, etc., etc. C'est ce qui s'est passé. On a taillé quelques menhirs en forme de croix. Bon, les arbres avaient une vie beaucoup plus courte, donc c'était plus facile de les déraciner, encore que le peuple, justement, s'y opposait. Et les fontaines, bon, on s'est contenté. On leur a donné un nom de saint ou de sainte. Mais ceci dit, que la fontaine Sainte-Claire soigne les yeux, que la fontaine, comme je le disais, Saint-Cloud soigne les clous, les furoncles, et que la fontaine Sainte-Eutrope soigne les estropiés, quel que soit le nom qui avait été donné pour correspondre à ce qui était soigné, et les paysans, ils s'en fichaient, ils continuaient les mêmes rites qu'avant, qui n'étaient pas justement des rites religieux. Donc cette nature qui est tout autour, elle est vivante. Et je vois là, j'anticipe un petit peu sur le tome 2, pardonnez-moi, mais qui s'appellera donc Dictionnaire de la France merveilleuse. Donc dans le tome 2, je traite aussi des animaux fantastiques. Et les animaux fantastiques, c'était juste les animaux du quotidien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aviez dans la ferme une poule qui avait un comportement anormal, un lièvre qu'on n'arrivait pas à tuer, un âne, un bœuf, une vache, peu importe, un bouc qui se conduisait bizarrement, ou alors qu'on rencontrait dans un endroit inhabituel, on était sûr qu'on était face soit à un animal fantastique, soit à un lutin protéiforme qui s'était transformé en animal, soit des fois au diable. Voilà, c'est-à-dire qu'on essayait de donner du sens à des choses qui, a priori, n'en avaient pas. Mais c'était épouvantable, voilà. Parce que si on sortait un vendredi matin et que la première personne que l'on voyait, c'était un homme d'église, par exemple, ça portait malheur. Donc il fallait rentrer chez soi, parce que c'était pas la peine d'aller essayer de faire des affaires, d'aller au marché du village voisin. Les journées devaient être quand même terribles pour les superstitieux, peut-être qu'aujourd'hui encore, j'en sais rien. Mais on était dans le rite, plus que... C'est-à-dire que... La vie était organisée autour de certains rites. Le vendredi, en règle générale, est un jour maudit. Voilà, c'est un jour maudit. Là, on est vraiment dans de la superstition chrétienne, parce que faut pas oublier que les premiers chrétiens étaient d'abord des païens, donc ils ont fait avec les matériaux qu'ils avaient. Donc, on y retrouve beaucoup de superstitions païennes dans le christianisme. Donc, le Christ est mort un vendredi. Total, le vendredi est un jour maudit. Mais pas seulement parce que le Christ est mort un vendredi, parce qu'au Moyen-Âge, il y a toute une série de textes qui paraissent, dans lesquels on peut lire que le vendredi, alors le déluge a eu lieu un vendredi, Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre un vendredi, etc., etc., il y en a des listes entières. Et du coup, voilà, le vendredi, on n'entreprend rien. On peut faire des choses, mais on n'entreprend rien, on ne commence rien. On ne fait pas un voyage, on ne commence pas un ouvrage de couture, voilà. Donc on ne sort pas de chez soi. Pour sortir de chez soi, ça veut dire aussi aller voyager. C'est pas seulement, on ne sort pas pour le plaisir à la campagne. Quand on sort, c'est pour aller quelque part. Donc On ne fait pas de tourisme. Alors, ce qui est intéressant dans votre dictionnaire, tout est intéressant, Marie-Charlotte Delmas, dans ce dictionnaire de la France mystérieuse, publié chez Omnibus, je le rappelle, c'est que par définition, il y a des entrées multiples et qu'on peut avoir une lecture de la page 1 à la page 700, 800 et quelques, mais on peut évidemment faire pratiquer... On se promène d'une manière aléatoire. Mais en fait, toutes les entrées... Alors, on découvre, quand on a vraiment tout lu, on se dit finalement tout peut porter bonheur, tout peut porter malheur, tout est signe, tout est finalement réversible, tout est d'origine païenne. L'Église a agrégé finalement ces superstitions, enfin s'en est débarrassée en se les appropriant, ça a pris des siècles sans doute. Et puis vous parliez de la nature qui est dangereuse et qui est charmante en même temps. L'orage, c'est pas inutile, bien entendu, parfois. Et ça peut aussi, il y a de la médecine magique. Alors l'orage, vous dites que ça peut soulager certains maux. Et puis alors, en Franche-Comté, puisque c'est tout cela, et chaque personne originaire d'une région de France y trouvera son plaisir, même opération. En Franche-Comté, en répétant à deux reprises « j'en ai mangé », on est préservé de la foudre. C'est-à-dire qu'il y a des formules comme ça, vous les avez trouvées dans les livres dans les collectages, la foudre, il y a énormément de choses. Ça va de la bûche de Noël au buis des rameaux, etc. Et c'est vraiment, on peut s'en protéger les 12 mois qui suivent. C'est-à-dire on se roule par terre au premier grondement de tonnerre. Moi, j'ai vu des gens se rouler par terre au premier coucou. au début mai. Ah ben le coucou, oui. Là, je crois que ça donne de l'argent toute l'année. Oui, bien sûr. Oui, le premier chant. Alors, le premier chant du coucou, c'est l'inauguration a une dimension magique. Mm-hmm. Tout ce qui est premier. Voilà, la première, par exemple, quand on fait des achats, le premier client qui va sur le marché de la journée, la première pièce qui est donnée, le premier chant du coucou, le premier chant de la grenouille, évidemment le premier jour du premier mois de l'année, certains premiers du mois, mai, mars, etc. Donc cette magie d'inauguration, évidemment, on la retrouve là. Mais en ce qui concerne la variabilité de ces superstitions, dans lesquelles on trouve un petit peu tout et son contraire, c'est pas grave. Alors on va voir si je vous interromps, si la première dent qui tombe a son intérêt. On va écouter 30 secondes, d'accord. une petite musique introductive. Brossons-nous les dents, matin, midi et soir. Brossons-nous les dents, il n'est jamais trop tard. La petite souris d'antan changeait la dent de lait en pièce de 1 franc et la dent repoussait. La petite souris n'est plus, on l'a trouvée noyée dans le verre plein de jus du dentier de Pépé. Brossons-nous les dents. Les frères Brothers, c'est mignon. Et alors, c'est pas rien, les dents. Dans l'histoire, dans votre dictionnaire, il y a plusieurs pages et c'est juste avant le diable. C'est un hasard. Les dents, donc, ça continue ça. Alors, pas simplement la petite souris, mais vraiment les dents, la première dent qui tombe, donc chez les enfants, eh bien, c'est tout un problème. Hein. Alors, faut savoir que les enfants, de façon générale, il dispose de nombreux rites pour que ce soit pour les dents, mais aussi pour apprendre à marcher, pour apprendre à parler. On les amène sur des pierres, on les fait boire dans des fontaines, etc. Voilà, il y a pour les guérir. Il y a vraiment tout un ensemble pour les avoir d'abord. Aussi. Voilà, pour les avoir qui protège. Oui, effectivement, on se frotte le ventre, ça. Pour qui protège les enfants parce qu'il y avait quand même une mortalité infantile très importante et donc les rites sont nombreux. Pour les dents des enfants, on a jusqu'à assez tardivement des colliers de dentition qui sont faits de petites breloques, parfois de dents. Dents du grand-père ou de la grand-mère. Dents de grand-père décédé, ou de la grand-mère. C'est pas leur arracher une dent. C'est de la magie analogique. Oui. Ce qui l'un va pouvoir aider l'autre. Des dents de loup aussi, parce que voilà, une belle canine de loup, ça va donner à l'enfant de belles dents. Et donc, ils ont ces colliers de dentition. Lorsqu'ils perdent une dent, les petites dents qui vont repousser ressemblent aux petites dents des rats et des souris. Et c'est la raison pour laquelle, pour que l'enfant ait des belles dents, on va invoquer la souris et on va éventuellement, mais pas toujours, mettre la dent dans un trou de pierre pour que, en offrande à cette souris, en lui demandant, en disant, je sais pas, souris, que je sais plus la formule exacte, mais pour que l'enfant ait des dents aussi belles que toi, rat, enfin, etc., oui, parce etc. Que dans le Gers, on place la dent sous le lit de l'enfant et pas sous son oreiller, en disant, rat, petit rat, voilà. Moi, je te donne une vieille dent, toi, rends-moi une toute bonne. Voilà. Alors, ce qu'il faut surtout pas faire, j'ai appris cela, c'est jeter la dent de tomber de l'enfant, la première dent. Voilà, je sais pas ce qu'en font les parents d'ordinaire, mais en tout cas, faut pas la jeter parce que un chien ou un chat risquerait de manger cette dent et à ce moment-là, l'enfant verrait ses dents pousser comme celles d'un chien. Ou d'un chat. Ou d'un chat. Il y avait pas que ça, il y avait aussi le fait que... C'est ce qu'on croit en tout cas dans les Alpes-Maritimes, dans le Jura et dans le Gard. Il y avait aussi le fait que les dents font partie des éléments du corps qui sont susceptibles de se détacher du corps, comme les cheveux et comme les ongles. À ce titre, il garde en se détachant une sorte d'essence vitale, d'esprit vital. Et donc, on va éviter de les jeter n'importe où, parce que si un sorcier les rencontrait, par exemple, les trouvait, il pourrait agir sur votre corps, sur votre essence vitale, à travers cet échantillon de vous. Que serait la dent, que serait les rognures d'ongles ou les cheveux tombés. Et puis deuxième chose, c'est que quand on perd, alors là c'est quand on est plus vieux, mais quand on perd une dent, On va aller l'enterrer soit dans l'ossuaire du village, soit dans la tombe, dans le caveau familial, de façon à pouvoir la récupérer au jour du jugement dernier. Parce que la résurrection des corps implique que le corps... Autant avoir toutes ses dents. Oui, voilà, on se disait qu'il fallait garder le plus de choses possibles pour pouvoir... Donc, en rassemblant toutes les parties de soi dans sa tombe, dans son caveau, bah, ce jour-là, on pourrait au moins remettre en place le puzzle, oui. Et puis voilà. Ouais. Du vivant, je trouve que c'est quand même... Enfin, on peut faire appel à un clou pour soigner les douleurs des dents. Le plus souvent, donc, vous écrivez, on passe le clou autour de la dent malade, puis on l'enfonce, c'est le clou, j'imagine, dans un mur, une porte en bois ou un arbre, cité par l'abbé Thiers au XVIIe siècle. Cette recette comporte parfois des petits ajouts ou des variantes. Par exemple, dans la Brie, il faut faire tourner le clou 3 fois autour de la dent. Quelque chose. Dans les Vosges, on doit faire saigner les gencives avec le clou d'un vieux fer à cheval et l'enterrer profondément. Je pense qu'on enterre la personne très rapidement aussi. Non? Je ne sais pas, mais ce procédé du clou qu'on va après planter dans un arbre, c'est un procédé que l'on retrouve très très fréquemment, qui est le procédé du transfert du mal. C'est-à-dire qu'on va transférer son mal à quelque chose. Donc en plantant un clou dans un arbre, ou par exemple en se mettant autour de soi un lien qu'on va après mettre autour de l'arbre, on va lui transférer son mal. On peut transférer le mal à un animal, par exemple. On peut à un œuf qu'on va aller mettre dans un carrefour, etc. Il y a tout un rituel. Dans une salière aussi. Donc voilà. Alors, et dans quoi tout ça ? Ce transfert du mal, il est employé aussi. Il fait aussi partie des procédés de la médecine officiel. On va essayer de transférer le mal, alors pas de la même façon bien sûr et plus légèrement, mais c'est quand même, voilà, on se dit que l'idée c'est d'aller poser son mal ailleurs, et le rite est assez puissant, et il n'est pas dit que d'une certaine façon tout ça n'est pas fonctionné. Ne serait-ce que dans un lien esprit-corps, un peu psychologique. Bon, c'est pas mon métier, donc je vais pas rentrer là-dedans. Mais de la même façon qu'un placebo va fonctionner. Le rite était tellement fort, on y croyait tellement, il était tellement codifié, parce que c'est ça. L'idée, c'est que peu importe ce à quoi on croit, il faut que la communauté est codifiée. Voilà. Le chat noir, chez nous, Il porte malheur, on l'a codifié. Dans l'autre région, je pense en Gironde, il porte bonheur, par exemple. Donc, voilà. Mais là, chez nous, il porte malheur. Si on le voit là, machin. Alors, donc, on a cité de nombreuses régions, et pas toutes, Marie-Charlotte Delmas. Nous, on va se promener au cours de cette nuit spéciale consacrée à la France mystérieuse, reprenant le nom de votre dictionnaire, donc. On va se promener du côté de la grotte de Montespan. Ensuite, on va aller voir le loup-garou. Alors, le loup-garou, il vient d'Italie, mais il arrive dans les Alpes, le Dauphiné, l'Isère, etc. Après, il se promène dans le Berry. Sorcier, le voilà. C'est un sorcier. On aura ensuite un entretien avec Claude Seignolle. Claude Seignolle avait accordé cet entretien à Marie-Hélène Fraissé pour un appel d'air. Vous avez travaillé avec Claude Seignolle. Ah, Claude Seignolle, c'est... Vous avez écrit sur lui, même. C'est un de mes très, très grands amis. Et je peux vous dire que je l'ai eu il y a quelques jours au téléphone. Il va avoir 100 ans bientôt. Et toujours l'esprit clair, la jambe moins alerte, mais toujours l'esprit très clair et toujours cette façon de dire les choses formidable. Moi, je ne me lasse pas de lire ses nouvelles. On parle de lui comme un fantastiqueur, et vous parlez de lui comme un meneur de contes, battleur de chimères. Enfin, en tout cas, c'est les deux livres que vous lui avez consacrés. Ouais. On parlera de la mandragore. C'est Claude Métra qui parlait de la mandragore, d'après le texte d'Achim von Arnim, dans 10 hérésies. Et puis, on ira dans le bocage avec François Céloron, qui en 1998 était allé interroger des leveurs de feu, des rebouteux, enfin voilà, tout ce monde mystérieux. Et puis on aura avant cela reçu Grégoire Solotareff, parce que Grégoire Solotareff a écrit un dictionnaire, dessiné un dictionnaire des sorcières, publié à l'école des loisirs. Alors les sorcières, bon, c'est pour ça qu'on n'en parle pas avec vous, Marie-Charlotte Delmas, et on en parlera avec lui, et il faut s'attendre au pire avec Grégoire Solotareff. Vous savez, les sorcières ne sont pas toutes méchantes ni gentilles. On recevra ensuite Roger Brunet qui parlera de Trésors du terroir, les noms de lieux de la France, publié au CNRS Édition. Et alors là, c'est aussi, je pense qu'on ira du côté des noms de lieux qui racontent les croyances populaires, les superstitions, tout ça, parce que il suffit pas de trouver ce qui peut rassembler les gens. On nommait les lieux et il nous parlera. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de choses qui vous rapprocheront. Très beau voyage. Qui vous rapprocheront de lui. Mais on n'en a pas fini avec lui, parce que justement, cette France, enfin, toutes ces régions dont on a parlé, qui sont devenues des départements, mais qui sont redevenues des régions, puis les régions ont changé de nom, enfin, peu importe. Ça diffère selon les régions. Vous dites le chat noir peut porter bonheur dans une région et malheur dans une autre. La dent, il vaut mieux la jeter à 3 mètres de la main gauche et non pas dans d'autres régions, ça sera de la main droite, etc. Enfin bref, tout cela, leur rite. L'essentiel, c'est d'être dans le rite, dans le rituel. Mais est-ce que il y a des lieux en France qui ont échappé à votre collecte et à la collecte de vos prédécesseurs, parce que simplement il y avait l'impression que telle région n'était pas dans la superstition? Oui, ces collectages dont je vous parlais tout à l'heure ont été assez inégaux. C'est d'ailleurs le gros problème qu'on peut rencontrer. Comme c'était des gens de bonne volonté, ben ma foi, voilà, on n'avait pas quadrillé le territoire en se disant on va procéder comme ça de façon scientifique. Donc il y a des provinces qui sont très bien collectées, dans lesquelles il y a beaucoup de collecteurs. C'est le cas de la Bretagne, par exemple, de la Normandie. Et puis le midi de la France souffre d'un manque de collectage. On a Jean-François Bladé qui a collecté, dit-il, la Gascogne, mais quand on lit ses trois ouvrages, on se rend compte bien vite qu'il a surtout collecté le Gers autour de chez lui. Il habitait Lectoure, donc autour de chez lui, et puis bon, un petit peu les Landes, mais bon, c'est pas énorme. Donc tout n'a pas été collecté. Alors au XXe siècle, justement, nous parlions de Claude Seignolle, et au XXe siècle, lorsqu'il a rencontré Arnold von Genep, qui est le grand folkloriste français, l'auteur du manuel du folklore français contemporain, qui habitait Bourg-la-Reine, et Claude habitait le Plessis-Robinson. Et donc, quand il a rencontré von Genep, il était tout jeune, il avait 14 ans, et il lui a proposé d'aller, justement, avec son frère, le frère de Claude, Jacques, il leur a proposé d'aller collecter le Hurepoix. Parce que l'Île-de-France, on n'avait quasiment rien. Et donc, on a eu comme ça le folklore du Hurepoix. Mais on se rend compte qu'à cette époque-là, il y avait déjà quasiment plus rien. Et puis Claude aussi, Van Genep lui a demandé de collecter une partie du Languedoc, qui a été complétée en 70 par Jalbi. Donc voilà, le Languedoc est assez tardif. Et von Genep lui-même a collecté la Bourgogne, le Dauphiné, dont était originaire une partie de sa famille, la Savoie, voilà. Donc, et puis Charles Schoenstein aussi a collecté aussi la Savoie, les Alpes, voilà. Donc, mais ça, ce sont des collectages très tardifs du XXe siècle, voire de la seconde partie du XXe siècle, et on se rend compte que bon, il reste plus grand chose, et que ces collecteurs se réfèrent souvent à des articles qui datent du XIXe siècle. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand même, souvent, on a appris sur les superstitions par la dénonciation des superstitions, les textes des l'abbé Thiers, sont traités des superstitions, aussi. c'est pas une œuvre à la gloire de la superstition, bien entendu. Donc c'est une dénonciation qui est un petit peu ambiguë, parce que finalement quand il en raconte. Ah non, non, il n'est pas ambigu. Il est au contraire très, très strict. Hein. Il pense qu'il y a des superstitions, que tous les rites sont superstitieux. C'est assez rigoureux. Oui, mais les donnant en exemple, finalement, en exemple négatif, finalement, il les a maintenus. Oui, mais alors il y a toute une... Quand la recette est un petit peu trop précise, il met des petits points pour qu'on sache pas. Il donne pas le nom de la plante, ou il donne pas le nom de l'animal, pour que on ne puisse pas y aller. Mais on ne peut pas lui reprocher du prosélytisme. Oui, mais il est... C'est un prêtre. Et puis, il y en a d'autres aussi. On n'a pas parlé, mais à la Renaissance, belle période où on va brûler des dizaines de milliers de gens qu'on dira sorciers. Les démonologues de la Renaissance, les qui sont pas tous juges d'ailleurs, mais qui sont des gens qui vont écrire sur justement sur les sorcières, les pactes machin, etc. Ces démonologues donnent eux-mêmes aussi certaines superstitions pour les dénoncer, pour prouver que on fait ça et que du coup c'est un signe de d'appartenance à la sorcellerie, etc. Diable, c'est donc l'entrée qui suit celle dedans, mais il y en a une centaine ou plus, je ne sais pas, rêve, papillon, noisette, miroir, chien, chat, hanneton, habitation, bien entendu, les corbeaux, j'aurais aimé qu'on parle des corbeaux, le cheval, la charrette, enfin le bétail, le beurre, l'arbre, tout cela. Voilà. Alors, Marie-Charlotte Delmas, il faut donc lire le dictionnaire de la France mystérieuse, sous-titré Croyances populaires, superstitions, sorcellerie, rites magiques, publié chez Omnibus. C'est donc ce dictionnaire de la France mystérieuse qui nous a donné envie de partir toute la nuit vers la France mystérieuse. On vous retrouvera en toute fin de nuit, et puis là, vous nous parlerez un petit peu du dictionnaire à venir, c'est-à-dire le dictionnaire de la France merveilleuse.